Bon vendredi, ici Dominique Lelièvre et les informations. Régis Labeaume change de ton à l'égard du gestionnaire de l'amphithéâtre, Québécois. Le maire de Québec s'est montré particulièrement irrité en avant-midi en réagissant à l'annonce du déficit pour 2016. Monsieur Labeaume a fait part de son impatience tout en défendant son propre bilan. Il a estimé avoir fait son travail en livrant l'édifice pour un coût moindre que prévu. Rappelons que l'opposition municipale a révélé jeudi que le centre Vidéotron avait perdu 5,2 millions de dollars en 2016, soit 8 fois plus élevé que ce qu'avait estimé le maire il y a quelques années. L'administration Labeaume a de son côté présenté un chiffre plus conservateur de 3,6 millions de dollars en déficit, tout en faisant part de son insatisfaction. La Ville de Québec va investir 6 millions de dollars dans son incinérateur dans le secteur du quartier Maiseret pour mettre un terme au dépassement occasionnel des normes environnementales, notamment en ce qui concerne le mercure. Elle a précisé son plan d'action hier soir dans le cadre d'une séance d'information du comité de vigilance. La Ville compte par exemple augmenter la température des fours pour limiter les rejets. Elle souhaite aussi embaucher un expert en combustion pour la conseiller. La Ville compte également sur la construction de l'usine de biométhanisation pour diminuer le nombre de déchets qui sont brûlés à l'incinérateur. Des mesures exceptionnelles pour des événements exceptionnels. Le chef de police de Montréal, Philippe Pichet, a annoncé un plan d'action sans précédent pour regagner la confiance de la population après que l'institution ait été ébranlée par des affaires de surveillance de journalistes et de fabrication de preuves. Le directeur du SPVM promet de changer la culture de l'organisation dans un horizon de 5 à 10 ans, tout en embauchant un consultant externe pour le guider. Les réformes touchent en profondeur les différentes structures du service de police de Montréal qui emploie près de 7000 personnes. En terminant, c'est cette fin de semaine le Radioton de CKRL 89.1. Il s'agit de l'événement de financement le plus important pour la station de Limoilou qui œuvre depuis plus de 40 ans à promouvoir la culture d'ici et à diffuser de l'information locale. Une programmation spéciale se met en branle dès 16h cet après-midi. Les animateurs et bénévoles vont se relayer jour et nuit pour solliciter l'appui des auditeurs et partenaires de la station. Plusieurs personnalités sont également attendues pour offrir leur soutien à CKRL, parmi lesquelles on retrouve les artistes Catherine Durand ou encore Paul Pichet, l'animateur Boucar Diouf ou encore le journaliste Sébastien Beauvais. Printemps, été, automne, hiver, météo. C'est du soleil présentement sur Québec, mais ça s'ennuage cet après-midi. Il fera un maximum de plus 2 degrés. Ce soir et cette nuit, faible neige intermittente. Ça se termine tard demain en après-midi. Il y a également un risque de pluie verglaçante demain matin. On attend un maximum de 0 degré demain samedi. Dimanche, très belle journée, 6 degrés et beaucoup de soleil. Présentement à Québec, on a 1 degré et c'est partiellement nuageux.